c'est la famille. Salut Florent. After you. Ah, vas-y. Play this. Et les gens s'achètent souvent. Je suis perdu, c'est la famille. C'est pas très clair quand tu t'exprimes. Tout en douceur, les illusions. t'a forcé à croire. C'est ce qu'on t'a forcé à croire. Le pays, le bon Dieu, le devoir. Le pays, le bon Dieu, ce qu'on t'a forcé à croire. Je suis perdu, c'est la famille. C'est pas très clair quand tu t'exprimes. Tout en douceur, on les illusions. Tout en douceur, ça vient, ça meurt. Je suis perdu, c'est la famille. C'est pas très clair quand tu t'exprimes. Tout en douceur, les illusions. Ça vient, ça meurt. C'est perdu. C'est la famine. Je ne comprends plus rien. Tout le monde écoute ce qu'on t'a forcé de croire. Le pays, le bon Dieu. Oui, on t'a forcé de croire. Je suis perdu, c'est la famille. C'est pas très clair quand tu t'exprimes. Ça vient, ça meurt tout en douceur. Tout en douceur, ça vient, ça meurt. Allez Florent! Ah, c'est cool, Guillaume. Qu'est-ce qu'il y a, Florent? On t'entend pas. T'entends pas, tu peux écouter.

cœur tu démarres. C'est un thank you. bien ce truc. Laurent, on dirait un peu de Arctic Monkeys qui était joué là. Bah vas-y, fais ton truc, je vais le mettre sur toi. Ça fait ta ta. Je sais pas si tu veux. Tu peux le refaire ton truc? À part que ça soit là, 1, 2, 3, 4. 116 ça. 116 hein. T'as fait un petit riff là, c'était sympa. Ça t'en rappelle pas ?